Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Question 120. De l'épiquie ou équité? L'épiquie est une vertu, qui fait partie de la justice. 1. L'épiquie est-elle une vertu? Nous avons vu, dans le traité des lois, que, pour les circonstances individuelles et contingentes, tous accomplissent les actes humains, il n'est pas possible d'établir une règle qui ne soit jamais défectueuse dans la pratique. Les législateurs, portant leur attention sur ce qui arrive le plus souvent, font leurs lois pour les cas ordinaires. Il peut très bien arriver que, dans certaines occasions exceptionnelles, l'observation d'un texte de loi soit contraire à la justice et au bien public que tout législateur doit avoir en vue. Dans ce cas, laissant de côté la lettre de la loi, on doit suivre ce que demande la justice elle-même et le bien public. Tel est le but de l'épiquie, à laquelle nous donnons parfois le nom d'équité naturelle. Il est donc évident que l'épiquie est une vertu. Note. S'éloigner de l'intention du législateur pour respecter les termes de sa loi, ce serait se rendre coupable contre la loi elle-même. Mais ceci ne s'applique qu'au cas évident où il faut agir. Dans les cas douteux, on ne doit pas contredire les termes d'une loi sans la décision du prince. Fin de la note. 2. L'épiquie est-elle une partie de la justice? L'épiquie, dit le philosophe, est une sorte de justice. Nous dirons mieux, elle est une partie subjective de la justice, et, comme telle, antérieure à la justice légale, sur laquelle elle a la préséance. Règle supérieure des actes humains, elle doit diriger la justice légale elle-même, qui s'en tient à la lettre des lois. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.